Très spécial. Les sondages la veille et le jour de chaque tour de scrutin de la primaire socialiste ne seront pas interdits. Martine Aubry, vous êtes favorable à cette décision ? Oui, alors là, je vais vous dire, on s'en branle. Hein. Alors, aujourd'hui, on est sûr que c'est Couille-Molle qui va passer, alors vivement le 16 que je puisse retourner à Lille me bourrer la gueule. Pôle emploi ne prévoit pas d'embellie sur le front du chômage en 2012. Jean-Marie Le Pen, une réaction ? N'est-ce pas ? Moi, je prédis une belle embellie sur le Front National en 2012. Et le système UMPS, on en a soupé, n'est-ce pas ? Alors, les scandales, les histoires, les pots de vin, il n'y a pas un jour sans qu'on découvre un cadavre dans un placard. Dommage, c'est jamais celui du nabo du palais. Tout ça, ça me met en forme pour une série de petits jeux de mots derrière les wagons. Oh non, Ah non, alors, Karachi partout, Néret à mes... Borlo pète et Montebourg le mou, c'est là je la garde à l'excellent. Regardez, on est en train de le perdre. Alors, j'en ai d'autres. Mermasque à gaz, Dachaud les marrons. Jospin des Landes. Chirac Maninoff. Selon une récente étude, le vin rouge contiendrait une substance qui permettrait de lutter contre le cancer du sein. Véronique Sanson, vous militez, je crois, pour la lutte contre le cancer du sein. Bien sûr que je milite. Je milite à fond. Moi, c'est pas les problèmes du sein, c'est plutôt le foie. Liliane Bettencourt a accepté la nomination d'un expert pour déterminer si elle est capable d'échapper à un abus de faiblesse. Nicolas Sarkozy, je crois que c'est vous qui l'avez conseillé. Oui, alors Monsieur Bello, je vais vous dire. Quand, vous savez, quand je veux rendre service, moi, entre deux sondages négatifs, ça m'occupe. Hein. En plus, j'ai ma Carlita, ma petite Carlita, qui fait les exercices respiratoires toute la journée. Et moi, ça, je vais vous dire, ça me stresse. Ah, c'est pour l'accouchement ? Non, pas du tout. C'est pour apprendre à chanter et à ce qu'on comprenne ce qu'elle chante. Hein. Elle a pris le même coach que Mylène Farmer. Alors, je vais vous dire, c'est du costaud. Hein. Bon, pour revenir à notre amie Liliane, vous permettez que je l'appelle Liliane. Elle m'a appelé, elle était très ennuyée. Je lui ai conseillé de me mettre sur son testament légataire universel. Oui, je vais avoir du temps en 2012, alors c'est vrai que j'aurai les biberons et les couches, mais ça occupe pas un temps complet. Hein. Et alors, quel spécialiste lui avez-vous recommandé ? Oh, vous savez, quelqu'un de très bien, très efficace. Il va nous régler tout ça vite fait, bien fait. Vous le connaissez, il a une bonne réputation, il exerce à Pau, c'est le docteur Bonne Maison.